Forcé par sa mère, Néron fait alors semblant de vouloir se réconcilier avec Britannicus. Aussi avoue-t-il à son gouverneur Burrus « J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Avant la fin du jour, je ne le craindrai plus. »